Je suis peintre en bâtiment. Je suis peintre en bâtiment. Je suis peintre en bâtiment. Je suis peintre en bâtiment. Je suis peintre en bâtiment. Je mets en couleur tout le temps. J'adore poncer des châssis et mettre une couche de vernis pour rénover tous vos murs. Je suis le meilleur, ça c'est sûr. Si votre maison est une poubelle, moi je vais en faire une merveille. Je suis le pro de la déco. Donnez-moi un pinceau et un rouleau. Je suis le pro de la déco. Donnez-moi un pinceau. C'est vraiment une merveille.